Bonjour à tous, musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute! Voilà, donc il est 13h30 passé. Voici donc le retour avec l'émission comme tous les mardis après-midi. Et bien voilà, donc on enchaîne bien tout simplement un nouveau mois. Nous sommes déjà au mois de juillet tout simplement. Et ben oui, ça passe quand même aussi très vite les mois. Voilà donc bien le premier mardi du mois. Voilà, on a pu commencer avec une chanson portugaise, tout simplement, qu'il sera présent, tout simplement, le 6, tout simplement, et bien, de ce mois-ci, au Parc Les Livrolles. Et puis, il y aura d'autres chanteurs et chanteuses qui seront pour le 6 et le 7, toute la journée. Voilà donc, eh bien, sans plus tarder, je vous laisse avec tout simplement avec les chansons. Et on va débuter avec, bien sûr, le disco. Et puis, juste après, avec France Gall, Lara Fabian, et puis d'autres chansons différentes. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Quelques éclats

I'd like to see you looking swell. Love you, baby. Diamond bracelets are all worth, they ain't gonna sell to you, baby. Till the lucky day, you know darn well, baby. But I can't give you anything but love. Love, love, love you, baby. Love, love, love you, baby. Love, love, love you, baby. Do. The day's my enemy, the night my friend, to the monotone of the evening's drone, I'm all alone with you. All through the night I delight in your love. All through the night you're so close to me. From a height far above, you and your love bring me ecstasy. When dawn comes to waken me, you're never there at all. I know you've forsaken me till the shadows fall. But then, once again, I can dream I've the right to be close to you all through the night. To be close

vivais. Je n'ai pas su te dire je t'aime, seulement te garder. Il faut aussi dire ce doute, elle le posait dans d'autres mains. Allez plus loin, allez plus loin.

denk, du bist bei mir. Ich fühle deinen Atem, doch du bist nicht hier. Ja, ich spüre dich in meinem Zimmer, obwohl du nicht hier bist. Und ich lieb dich noch immer, kann nicht vergessen, wie du bist. Könnte ich doch noch einmal dich noch einmal nur berühren, werde ich dich nie wieder in meinem Leben sehen. Ohne dich fehlt mir der Mut zum Leben, ohne dich kann ich einfach nicht sein. Ohne dich fehlt mir die Luft zum Atmen, komm, lass mich nicht allein. Ohne dich lauf ich jetzt durch die Straßen, ohne dich sieht alles anders aus. Seh die Plätze, wo wir einmal saßen, und geh allein nach Haus. Immer denk ich an früher, lass es doch wie früher sein. Spüre dich in meinem Herzen, lass mich nicht. Arena et puis juste après les surfs. C'est plutôt le titre, c'est plutôt c'est Tina Turner, on l'a écouté tout à l'heure, tout simplement. Tina Arena. Love. espoir. Douce amie, n'oublie pas que chaque soir, nous avons malgré tout cette nuit rendez-vous, regardant tout aux cieux notre étoile. Les nuages passeront bien à leur tour. C'était mec. pas être chic. Je m'en fous, je veux kidnapper. Même si tes copines sont jalouses, mais je m'en fous, c'est en plus que je fais. Ton pas ça va, je vais le travailler. Ton pas ça va, il va me tuer. Ce sont ton jaille, vas-y sur le bail. Ce sont ton jaille, vas-y sur le bail. Ce sont ton jaille, vas-y sur le bail. Ce sont ton jaille, vas-y sur le bail. Que dans ta esquina, on est dans l'ambiance. Espero que bailas, mais j'attends. L'ambiance est trop chic, l'ambiance est trop chic. Ya me acostumbré, dímelo mami, ya me acostumbré. Dale como reggaeton, acostumbré. Qué coloría, qué fantasía, qué chévere esta música la mía. Alguien y más ven aquí a mí. Mueve tu cuerpo, tu anatomía. Se me hace dura, trop de go. Ahora se chica el fuego. Evidemos ya por faire le show. Si tú te comprendes, si moi d'amoné. Un chausson et puis juste après Indochine. Elle danse les yeux fermés toutes les nuits dans les fêtes. Elle danse de tout son cœur en fumant des cigarettes. Dandy, elle est dandy.

mais perto, eu quero a tua mão. Ei, no som daqui sombar, damos um passo, tira o pé do chão. C'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Voici donc bien Indochine, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis juste après Niagara. Passer le cap de l'ouragan.

un frisson qui passe et qu'on oubliera les jours comme ça. Est-ce que l'amour passe encore par là? Après des jours comme ça. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Tapez dans les mains. On va

Portugaise pour mettre l'ambiance. Arc-en-ciel. Voilà, après l'accordéon, eh bien, je vous laisse avec le country. Everybody, get out your violin and get ready to fiddle!

que novas sabedes da minha alma cujas sedes me perderam no caminho. Revejo-te e venho exangue, acolhe-me com piedade, longo jardim de saudade que me puseste no sangue. Ai, flores do verde ramo, dizem que novas sabedes da minha alma cujas sedes me alongaram do que eu amo. A tua I'm not afraid to

sais jamais m'éveiller comme au bord des larmes pour avoir aimé de trop près les yeux d'une femme. Un café qui fume au matin, on ne touche pas. L'impression soudain que rien ne va. Notre passage, ce que Dieu nous laisse en héritage, c'est l'amour fou qui fait de nous des hommes. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye?

retourner. Maintenant c'est terminé. Marche tout droit, vois cette fille-là. Ne les regarde surtout pas. Les femmes, vous les charmes, vos sourires nous attirent et nous les âmes. Vous les anges adorables, et nous les hommes pauvres et diables. Avec des milliers de roses, on vous adore, on vous aime sans le dire, on vous l'éprouve. On sait croire fort, on pense vous connaître. On vous dit toujours vous répondez peut-être. Vous les femmes, vous mon drame, vous si douce, vous la source de nos larmes. Pauvre diable, que nous sommes vulnérables, misérables, nous les hommes. Dès que notre bouche sourit, on a tendance à jouer plus ou moins bien l'indifférence. On fait tout pour s'écarter, puis son éclat. On le fout des jalousies et ça vous flatte. Vous les femmes, vous les chats, vos sourires nous attirent et nous désarment. Pauvre diable, que nous sommes vulnérables, misérables, nous les hommes. Pauvre diable, pauvre diable. Ciel. En place pour l'Alsan Twist. De tous côtés, on n'entend plus que ça. Rien de nouveau qui nous vient de là-bas. Fait du gars, et comme de moi il vous prendra, pour suivre dans son rythme merveilleux, à danser sur la quatre ou bien à deux, en faisant de le regard dans les yeux, et simplement qu'être heureux. Taste and taste, vous y viendrez tous, taste and taste, et vous verrez tous, taste and taste, le monde a fait triste. Encore un épaule levée. gone. I had a love for Rena. Hello, will I do? I love Corina. Hello, will I do? But I pray every night Corina will love me too. Oh, Corina, Corina, Corina, Corina, Corina, Corina, I love you so. Oh, Corina, Corina. Ciel. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Bon, voici donc Julien Clerc, et suivi de, non pas encore Serge Lamar, mais écoutera Guy Béard. Ce qu'il y a derrière les phrases qu'on ne finit pas. Allez, au revoir, bonjour, bonsoir, comment ça va? Derrière ces mots gentils, normaux, combien de cris d'espoir perdu n'en parlons plus, ça va très bien, merci. Laisse parler le silence, laisse faire nos lèvres fermées, sans rien dire aussi je pense qu'on s'est aimé. Ce qu'il y a derrière les lettres qu'on ne finit pas, je t'ai écrit, c'est pas parti, c'est resté là. Dans cette armoire, combien d'histoires se sont glissées. Les médaillons, les vieux brouillons de nos amours passés. Laisse parler le silence, en cachette je monte au grenier pour regarder mon enfance et te retrouver. Derrière tes pas dans cette rue, les yeux baissés, toujours pressés, tu as disparu. Derrière ta vie inassouvie, abandonnée, tu es un passant qui marche sans même te retourner. J'ai en moi des mots qui roulent, qui ne veulent jamais éclater. Je m'enfonce dans la foule pour ne pas pleurer. L'amour comme une femme, un peu comme on déguste un fruit. Je bois au vase que de l'envie. Je te fais l'amour comme une femme, dans le clair-obscur des volets. J'écoute nos bouches voler. Je te rêve, plus que ne te prends, on dirait même que j'apprends quelque chose que j'ignorais. Des jongles aussi, tu me surprends, et ton corps entier me comprend et me révèle des secrets à moi-même. Je t'aime. L'amour comme une femme, avec le cœur au bout des doigts, pour caresser le tien tout bas. Je te fais l'amour comme une femme, je t'aime cheveux par cheveux, et m'attarde où ton instinct veut. Je te rêve plus que de te prendre, on dirait même que j'apprends quelque chose que j'ignorais. Des ongles oscillent, tu me surprends, et ton corps entier me comprend et me révèle des secrets à moi-même. Je t'aime. Thank you.

Com RPG Internacional pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-international.fr. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. RDP International, longe da vista, perto do coração. Boa tarde, são 4 horas no continente da Madeira, 3 nos Açores. As forças de segurança continuam a acreditar que o governo pode ir mais longe. Relativamente ao subsídio de risco, os sindicatos e associações da PSP e da GNR avisam que se não houver mais dinheiro para as polícias, não haverá acordo com o Executivo. Já o líder do PS acusa o Primeiro-Ministro de fracassar nas negociações com as forças de segurança. É a reação de Pedro Nuno Santos à garantia deixada ao início da tarde por Luís Montenegro de que o Governo não vai colocar nem mais um cêntimo na proposta que fez à PSP e à GNR. Na saúde, a Federação Nacional dos Médicos acusa o Executivo de ter apresentado uma proposta perversa aos sindicatos sobre o trabalho suplementar. Esta hora, temperaturas de 32 graus em Coimbra e em Lisboa. Estão 28 no Porto, 27 em Faro, nas Ilhas, 23 graus em Ponta Delgada, 24 no Funchal. As notícias, edição de João Vasco. Os sindicatos e associações da PSP e da GNR prometem continuar a lutar para melhorar os valores da proposta de subsídio de risco colocada em cima da mesa pelo Governo nas negociações com as polícias. O porta-voz da plataforma de sindicatos e associações da PSP e da GNR lamenta que não haja mais dinheiro para valorizar as forças de segurança e alerta Bruno Pereira que, se a proposta do Executivo não for revista, não haverá entendimento. Não haver mais verbo significa que não está a ser priorizado do ponto de vista político esta decisão. Porque, havendo vontade e havendo prioridade, eu quero acreditar que se conseguir um bocadinho mais além, é isso que nós esperamos ou esperaríamos, ir um bocadinho mais além, exatamente para conseguir firmar um acordo. Não sendo possível esse acordo, tenho imensas dúvidas que possa ser celebrado, possa ser acordado, e teremos necessariamente que manter a nossa defesa daquilo que consideramos um mínimo de justiça, e portanto 300 euros não fica, ainda que sejam valores que não são migalhas, é um valor que ainda assim fica aquém daquilo que nós consideramos um mínimo dos mínimos. Bruno Pereira, porta-voz da plataforma de sindicatos e associações da PSP e da GNR, há pouco em declarações à RTP. Pedro Nuno Santos considera que o anúncio do Primeiro-Ministro de que não haverá mais um cêntimo para as forças de segurança prova que as negociações com os profissionais da PSP e da GNR estão a ser um fracasso. O líder do PS sublinha que a posição de Luís Montenegro é agora bastante diferente da demonstrada durante a campanha eleitoral. Eu recordo que esta tinha sido mesmo uma das grandes promessas do atual Primeiro-Ministro em campanha, que em pouco tempo resolveria a situação com as forças de segurança. E, portanto, aquilo que nós estamos a assistir, desse ponto de vista, é o fracasso desse anúncio. E estamos também a assistir a uma assertividade que deve existir, mas que não existiu durante a campanha. Desde logo, lembro-me bem do debate que nós tivemos e que foi alvo de pressão pelas forças de segurança e não tivemos, da parte do atual Primeiro-Ministro, nenhuma resposta assertiva na defesa da autoridade republicana do Estado português. Pedro Nuno Santos condena ainda o aproveitamento político que o líder do Chega está a fazer da situação das forças de segurança. André Ventura tem apelado à PSP e à GNR para que protestem contra o governo no Parlamento na próxima quinta-feira, dia em que a Assembleia da República discute propostas para aumentar o subsídio de risco das forças de segurança. Pedro Nuno Santos, em declarações esta tarde sobre as negociações do Executivo com as forças de segurança, depois de Luís Montenegro ter adiantado que o governo não pode ir mais além na proposta que fez à PSP e à GNR. O primeiro-ministro sublinha que o Executivo fez um esforço máximo que nenhum outro governo fez para se aproximar das exigências dos polícias. Nós estamos disponíveis para fazer acertos no acordo, não nos valores. Quero ser muito claro com os portugueses. O governo não vai colocar nem mais um cêntimo na proposta que apresentou. Porque nós fizemos um esforço que é um esforço medonho. Há uma coisa que não pode acontecer, é o governo perder a autoridade de se preocupar com toda a sociedade, com todos os outros. Luís Montenegro. André Ventura reagiu há pouco no Parlamento a estas palavras. O líder do Chega considera que o PSD e o CDS tinham a obrigação de corrigir um erro histórico do anterior executivo para com as forças de segurança e não o